On est fort et dominant, c'est la folie formée par les grands. J'suis un choriste, quitte les bâtiments. Y'a la police, monte le sang à fond. Dans le polytron, on n'a pas le temps. J'te connais, ça fait une heure, t'es pas le sang. Faut tout niquer dans le rap, y'a pas d'élan. T'es fort et monte tout ton talon. Si tu poucaves, ne viens pas chez nous. Dans le secteur, c'est plus comme avant. La nouvelle génie veut faire des sous. Et les condés veulent casser le quartier en espérant nous faire tomber. On n'en devient parano, listé par les condés. J'suis marié à la street avec ma femme, maintenant c'est fini, fini, fini, fini, plus de fini. Moi et toi, c'est fini, fini, fini, fini, plus de fini. Moi et toi, c'est fini, fini, fini, fini, plus de fini. Moi et toi, c'est fini, fini, fini, fini, plus de fini. À la base, j'vivais la nuit comme un vampire. J'ai appris à éviter beaucoup de zombies. J'aurais tendu la même et ils m'ont tout pris. Allez écouter, c'est eux les gentils. Ils ont encerclé le point de vent, c'est la merde. Mais ils ont pas pété le charbon. Même s'ils avaient trop les dents, c'est la même. On les a encore mis dans le vent comme avant. Devant le commissaire, tu as parlé, parlé. Y'a pas d'arrangement, allez du balai, balai. J'suis un soldat, pas un balai, balai. Dans les marécages, on se marre, marre. Toi c'est...